on perd son amour, c'est l'amour qui nous perd. De l'automne à l'été, oui, c'est toujours l'hiver. La rivière et la mer qui n'ont plus d'estuaire. C'est les inséparables qui soudain se séparent. C'est comme se retrouver à dormir dans les gares. Quand la nuit est la nuit et la nuit pour toujours. Non, le jour n'est plus jour quand on n'a plus d'amour. Quand on perd son amour, c'est les autres qui rient. Qui sont contents enfin de nous voir nous aussi. Comme ils l'ont tous été dans leur vie une fois. Comme un fou qui se saigne accroché à la croix. Quand on perd son amour, c'est l'amour qui nous crie. Tout le malheur du monde a réveillé la nuit. Notre cœur qui sait plus comment battre tout seul. Vaut mieux perdre la vie que perdre son amour. Vaut mieux ne plus penser que d'y penser toujours. Vaut mieux jamais aimer que d'aimer pour toujours. Et mieux vaut mourir de mort que de mourir d'amour. Quand on perd son amour, c'est toujours une fille qui a fait monter des marais de sel à vos pupilles. Faut pas leur en vouloir, ce ne sont que des filles. Et que bien trop souvent elles oublient d'être gentilles. Car si l'homme est un chien, c'est qu'il est plus fidèle. Plus fidèle à des chattes qui se feront la belle. Les filles, c'est comme la mer, ça dépend de la lune. Ça va et ça revient s'écraser sur la dune. Faire des châteaux de sable, de la poudre dans vos mains. Et donner l'illusion à qui prendra leur rein. Quand on perd son amour, c'est qu'on a trop aimé. Qu'on s'est trop aimé soit, soit dans l'autre opposé. C'est qu'on a trop aimé, oui, l'idée d'être aimé. Qu'on a aimé l'amour, aimé à s'aveugler. Et qu'on n'a pas vu l'autre aller aimer un autre. Et qu'on n'a pas vu l'autre à soi qui s'en allait. Sur l'enfer c'est les autres, sur l'enfer c'est les autres. Sur l'enfer c'est les autres et l'enfer c'est aimer. Vaut mieux perdre la vie que perdre son amour. Vaut mieux ne plus penser que d'y penser toujours. Vaut mieux jamais aimer que d'aimer pour toujours. Et mieux vaut mourir de mort que de mourir d'amour. Quand on perd son amour, c'est bien plus que l'on perd. C'est un jour en été pour des siècles en hiver. Ces verbes futurs qu'on conjugue au passé. Quand on perd son amour, on perd l'humanité. Quand on perd son amour, c'est le monde qui s'écroule. Quand on n'est plus qu'à soi au milieu de la foule. Quand on perd son amour, c'est l'amour que l'on perd. Quand on perd son amour, on perd l'humanité.